Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Allez, c'est parti. Oui, c'est... Rencontre ici avec Laura. Laura, je te rencontre et on a déjà essayé pas mal de fois de se faire un rendez-vous, mais Laura est quelqu'un qui voyage, tu dis si je me trompe, hein, voyage en Belgique et ailleurs. C'est exact, ouais. Ben, j'ai commencé à voyager, disons, après que j'ai démissionné de mon travail, au mois de donc, fin juin, et juillet, août, septembre, octobre, je voyageais en Belgique. En woofing, dans des différents lieux en Belgique, et ça ne facilitait pas la rencontre vu que je ne savais pas souvent de semaine en semaine où j'allais me trouver. Et depuis que je me suis posée ici au mois de novembre, ben voilà quoi, ça a lieu. Enfin. Et donc ici, tu peux dire où on est? Ici, oui, on est dans les, ça s'appelle les Ardennes flamandes ici, mais je ne sais pas si les vrais Ardennais. Vont aimer ça. Et c'est dans un petit lieu, un grand jardin en permaculture, tout près de Grammont. Et quand tu dis que tu as arrêté ton travail, c'était quoi comme travail? Ah, c'était un travail de bureau dans un grand building. J'étais assis devant un ordinateur toute la journée. Et voilà, un travail comme beaucoup de gens le font, quoi. Mais c'était quoi ton travail? C'était dans la banque, dans une banque. Voilà. Trop fort! Trop fort! Je voulais pas le dire au début, mais... Pourquoi? Ben, je veux dire, c'est pas vraiment une grande fierté d'avoir travaillé dans une banque, mais bon. Mais si, c'est un beau... Attends, mais c'est génial, ça veut dire que les gens qui travaillent dans les banques peuvent à un moment donné changer carrément d'options et être plus en lien avec la Terre, c'est formidable. Oui, c'est tout à fait possible pour tout le monde, il faut juste vouloir le faire, quoi. Saisir les opportunités, d'abord se créer les opportunités, puis avoir le courage de le faire, c'est tout. Et quand tu parles de courage, c'est quoi ce courage? Ben, moi c'était... Ouais, c'était plus en fait du dégoût de la vie que je menais à ce moment-là, qui me satisfaisait pas du tout, et je cherchais autre chose. Et pendant longtemps, je savais pas quoi faire parce que je me disais bon, si je quitte ce bureau-ci dans ce grand building-ci, je vais me retrouver dans un autre, et c'est pas ça que je veux. Et donc après, j'ai découvert le woofing, et c'est ça qui m'a permis de complètement changer mon style de vie, quoi. Et c'était une tour qui se trouve où, en fait? Tu travaillais à la banque, mais où? Je travaillais dans une banque au centre, plus ou moins au centre de Bruxelles. En fait, dans le quartier européen de Bruxelles, donc tout près de Tron. Ouais. Combien d'années? Pendant presque 7 ans, 8 ans presque, ouais. Pas mal, pas mal. Et comment est-ce que tu as démarré alors le woofing? Le woofing, en fait, ben justement, j'étais dans cette banque, je cherchais une alternative. Un collègue à moi a pris une pause carrière d'un an et entre autres il a fait du woofing en Australie. Moi, j'avais jamais entendu ça, je connaissais pas du tout. Alors j'ai fait des recherches sur le net, j'ai vu que ça existait en Belgique, je me suis dit ben, je vais essayer parce que ça me parlait, quoi. C'était l'agriculture, c'était travailler dehors, c'était la rencontre, donc je me dis voilà, j'y vais. Donc je l'ai fait pendant, c'était 9 jours pendant mes vacances du travail, quoi, vacances normales, ici en Belgique. Et j'ai adoré, tout de suite, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, ouais, c'est beau, quoi. C'est beau la passion dont les agriculteurs ont pour leur métier, pour tout ce qu'ils font, et l'amour avec lequel ils font leur travail. Ça n'avait rien à voir avec les gens qui m'entouraient, où je travaillais, moi. Et alors, moi aussi, j'ai décidé de prendre une pause carrière. Et donc, de février 2012 à février 2013, j'étais libre. Et là, j'ai fait... la moitié au moins de cette pause carrière, c'est du woofing en Belgique et à l'étranger. Et alors pendant cette année-là, j'ai reçu un message, comme tout le monde qui était lié au woofing, quoi. On a reçu un message de Woof Independence pour dire voilà, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt en Belgique pour le woofing, qu'il y a de plus en plus d'autres, que le mouvement écologique se développe. Est-ce que ce serait possible de créer Woof Belgique? Et justement, moi, j'étais en Belgique à ce moment-là et j'ai été à la rencontre. Donc, c'était Amanda de Woof Independence et avec plusieurs autres gens qu'on est devenus collègues depuis. Et là, on a décidé de créer l'organisation de Woof Belgique. Et voilà, donc au début, c'était très lent le progrès parce que on était plus des gens qui voulaient travailler dehors et tout ça et pas vraiment faire des papiers. Mais donc au début, voilà, évidemment, c'est tout le côté administratif qu'il faut faire. Il faut écrire les statuts, il faut enregistrer... on doit enregistrer notre entreprise au greffe du tribunal. Donc on s'est établi comme une ASBL. Et après, voilà, on a commencé avec le site web. Et donc tout ce qui est fait avec Woof Belgique, c'est bénévole. Donc on le fait tous bénévolement, même le site web, on a trouvé quelqu'un qui l'a fait gratos pour nous, et c'est vraiment un site formidable. Et voilà, alors depuis ce moment-là, moi je gère Woof Belgique avec ce petit groupe d'amis, et en même temps, je fais du woofing, j'ai démissionné de mon boulot et je fais du woofing à plein temps maintenant. Ça c'est ma petite histoire woof. C'est très bien, c'est très bien, c'est du vécu quoi. Ah, c'est 100% du vécu. C'est ça qui a la valeur, je pense, dans le projet de Woof Belgique. C'est que toute l'équipe, c'est des woofers ou ex-woofers ou woofers présents. Et donc, on est vraiment dedans, quoi. On est vraiment dedans administrativement, mais à terre, quoi. On comprend les gens, on a un contact direct avec les autres, avec d'autres woofers aussi. Et ça, c'est vraiment une valeur formidable, je pense. Moi, je réagis juste à la phrase que tu as dit au tout début de tout ça, en fait, quand tu parlais que les agriculteurs sont formidables. Il faudrait peut-être nuancer que il y a les agriculteurs. Bon, déjà, c'est pas un métier facile, hein, mais il y a les agriculteurs qui sont pris dans des grosses entreprises chimiques et etc. Et puis, il y a peut-être une autre partie des agriculteurs. Je suppose que c'est cela que tu parles. Comment est-ce que tu expliques la chose? Ouais, donc peut-être que je ne parle pas des agriculteurs, mais que je parle plus des paysans, en fait. Des gens qui valorisent la terre, qui comprennent la terre, qui travaillent avec elle et pas contre elle, qui n'utilisent pas des produits chimiques. Et avec le woof, donc le woof, c'est tous des paysans biologiques. Et puis la plupart, quasiment tous, c'est à petite échelle. Et la plupart même, ce n'est pas commercial. Donc c'est, par exemple ici, où moi je loge maintenant, il n'y a pas d'aspect commercial du tout, quoi. Le jardin ici, le grand jardin, c'est juste pour elle et sa famille, et pour les woofers et les gens qui passent. Elles vendent absolument rien. Et beaucoup des autres woofs, c'est comme ça, quoi. Ils le font parce que c'est juste leur philosophie de vie, quoi, qu'il faut il faut pas juste consommer, il faut aussi produire, quoi. Et surtout quand ça, par rapport à l'alimentation, il faut produire le maximum de ce qu'on mange, essayer de le produire soi-même. Et alors c'est vraiment cet esprit là qui m'intéresse, quoi. Ouais. Et t'es d'accord que tout le monde n'est pas fait pour faire du woofing, quoi. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui sont proches de la terre, puis d'autres qui font de la musique, puis d'autres, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans ta vision, tout le monde doit créer ses légumes pour les manger? Pas nécessairement tout le monde qui doit les créer, non, ça c'est vrai. Mais tout le monde doit au moins respecter d'où viennent leurs légumes. Doit réfléchir à ça au moins. Je veux dire, la plupart des gens mangent, mais ne réfléchissent pas à ce qu'ils mangent. Et donc au moins se demander ben, d'où vient ce que je mange. Et alors, si toi, tu ne peux pas le faire toi-même, donc si tu n'as pas ni l'intérêt ou ni la possibilité de faire pousser toi-même tes légumes, ben alors que tu valorises le travail de quelqu'un d'autre qui le fait, et de préférence quelqu'un local, et qui le fait d'une façon durable, écologique, et avec une conscience plus grande que juste commerciale, quoi, avec une conscience de l'environnement, de l'humanité. Et donc voilà, on a tous vraiment un rôle très important à jouer dans ça, parce que l'alimentation, c'est quelque chose de base. On a tous besoin de manger, mais avec nos choix alimentaires, on peut vraiment créer tout un autre monde, quoi, tout un mouvement. Si on décide tous, on va manger local, on va manger de saison, on va manger que ce qui est produit d'une façon durable, alors ben, justement tous ces agriculteurs chimiques dont on parlait, ben, ça n'existerait plus. On n'aurait plus des problèmes de pollution, on n'aurait plus tous ces transports pour la nourriture qui vient d'un autre bout du monde, parce que maintenant la plupart des gens sont complètement déconnectés, ils ne savent plus ce qu'il y a de saison, ils n'ont aucune idée, quoi. Les choux, c'est la saison, c'est quand les fraises, c'est quand ils ne savent pas. Donc, c'est ça, je veux dire, vraiment prendre conscience de l'alimentation. Mm. Pas nécessairement tout le monde faire pousser leurs légumes, mais prendre conscience. Mm. Ouais. Et quoi, c'est ce que tu fais toi? Tu manges local? Tu vis local? Explique-nous un peu comment ça se passe alors. Et tu manges quoi? Puisqu'on est en janvier. Mi-janvier, on est, oui. Ben, moi, je mange ce qui vient ici, justement, à quelques mètres d'où je me suis assis maintenant. Donc, tout ce qui vient du potager, quoi. Des légumes, ce que j'ai mangé à midi, par exemple, c'était quoi? C'était pommes de terre, donc ils sont conservés depuis l'été. Des haricots, qui étaient au congélateur. Des poivrons, qui étaient au congélateur. Des poivrons rouges fort piquants là, qu'on a fait sécher, une boîte de tomates qu'on a pasteurisée en été, en septembre plutôt, et voilà, des oignons qui viennent du jardin et de l'ail qui vient du jardin. Voilà, c'était plus ou moins mon repas, quoi. Et c'est ça tous les jours, c'est des légumes qui viennent d'ici, c'est tout, d'ici, il n'y a pas plus loin, quoi. Et le reste, on le fait aussi nous-mêmes. Le pain, on le fait nous-mêmes avec la farine qui provient d'un moulin une dizaine de kilomètres d'ici. Les jus, moi je fais encore des jus de pommes. J'ai fait du jus de pomme hier, quoi, avec les pommes qui sont sous l'arbre. Par ça, ce qu'on boit, des tisanes, voilà, quoi. Je veux dire, tout est vraiment d'ici. Écoute, c'est génial, formidable, hein. Moi, j'aspire à ça aussi, limite, hein, vraiment. Mais quand tu regardes à l'échelle plus... Bon, on va regarder la Belgique, d'accord? T'as Bruxelles, puis dans Bruxelles, t'as ces quartiers... T'as des quartiers riches, des quartiers pauvres. Comment est-ce que tu arrives à regarder l'ensemble comme ça, pas uniquement, bon, ici, c'est sûr que c'est un monde en soi ici, mais quand tu regardes aussi les autres, tu vois, quand tu t'ouvres vers l'extérieur, comment est-ce que tu fais pour combiner cette vie qui est très locale, une consommation très locale et qui est vraiment géniale, avec, par exemple, une réalité beaucoup plus urbaine? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, quoi? Enfin, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Ouais, moi, ma conscience alimentaire s'est développée petit à petit, quoi. J'ai pas toujours mangé comme je mange maintenant. Donc avant, j'habitais à Bruxelles, dans un petit appartement. Je travaillais à Bruxelles, dans un plus grand building. Voilà, comme beaucoup de gens. Et je mangeais comme beaucoup de gens, quoi. J'allais au supermarché, j'achetais, puis je cuisinais, je mangeais, je faisais la même chose le lendemain. Et je pensais pas beaucoup plus que ça à ce que je mangeais. Je regardais un peu certains produits, quoi. Par exemple, les haricots, ça me faisait toujours marrer parce qu'ils viennent de Kenya, quoi. Je me dis, ça, je n'achète plus. Et les petits trucs. Et alors, petit à petit, je me suis de plus en plus conscientisée. C'est venu avec le woofing aussi, quoi. Et voilà. Mais ouais. De nouveau, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire pousser ses légumes. Mais alors... Voilà. Je veux dire, il y a des alternatives. Il y a par exemple les gazapes. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... On peut se faire livrer des paniers bio, des légumes de qualité qui viennent des environs de Bruxelles, quoi, un peu à l'extérieur de Bruxelles. Et ça, il y en a dans toutes les communes, quoi. Il faut juste le savoir, c'est de nouveau ça, quoi. C'est éducation, c'est être conscientisé. Et ça, c'est... Oui, donc c'est un peu, on disait des quartiers riches et quartiers pauvres, c'est vrai que c'est plus... Certains, on peut dire écolo-bobos, qui vont faire ça, mais il y a aussi, c'est juste... Ouais, c'est juste être conscient aussi, pas gaspiller la nourriture. Ça, c'est vraiment un grand truc, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me dégoûte quand on pense que à peu près la moitié de tout ce qui est produit dans ce monde alimentaire est jeté. Donc, où c'est jeté à toutes les échelles, quoi. Ou d'abord par l'agriculteur, qui se dit, je ne peux pas vendre ça parce que ce n'est pas la bonne taille, ce n'est pas la bonne couleur. Après, il y a une partie qui est détruite en transport. Après, il y a le magasin qui va de nouveau retrier tout ça. Mm-hmm. Et alors, il y a tout ce qui n'est pas vendu. Et alors, il y a les gens après qui encore jettent. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est le plus absurde, quoi. Mm-hmm. Et le plus triste dans tout ça. Mm-hmm. Et c'est vraiment... On a perdu ce respect de l'alimentation, qui est aussi un respect de la vie. Parce que toute chose est vivante, quoi. Que ce soit un légume ou que ce soit un fromage, par exemple, ça provient d'un animal. Puis il y a tout l'amour et le travail du paysan dedans aussi. Et jeter ça, c'est jeter beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte. J'aime bien, mais oui, mais en fait, souvent, quand on aborde ces sujets-là, je trouve que tu racontes les choses très simplement, très librement. Ça me parle, ce que tu dis, parce qu'il y a aussi, par exemple, des fachos bio. C'est-à-dire que alors que moi, je pense qu'il y a une réalité aussi, des fois, économique, éducative. Tu peux pas en vouloir à la personne d'en face si elle est même pas au courant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si elle est même pas consciente. C'est un long processus à mettre en place pour que tout le monde commence à conscientiser des gestes simples. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait d'accord. Moi, ça m'a pris des années, quoi. Comme je dis, ça m'a pris à peu près 2 ou 3 ans pour arriver où je suis maintenant. Et ça coïncide avec le mouvement WOOF, avec mes expériences WOOF, qui m'ont justement rapproché à la terre et aussi rapproché aux gens qui valorisent la terre. Et, mais donc avant, oui, moi j'achetais au supermarché. Alors petit à petit, j'ai commencé à acheter sur des marchés. Alors petit à petit, j'ai acheté sur des marchés bio. Le marché des tanneurs à Bruxelles, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, voilà. Et voilà, mais c'est vraiment, pour beaucoup de gens... C'est l'éducation, quoi. Et aussi, c'est est-ce qu'on met de la valeur sur ce qu'on mange ou pas? Parce que après, j'ai commencé à parler de ça aux collègues où je travaillais. Elles me disaient, oui, mais Laura, tu te rends pas compte. Donc, moi, si le samedi, je dois aller jusqu'au paysan local pour acheter mes œufs, je dois aller à un autre paysan pour acheter... mes produits laitiers, puis je dois aller chez un autre pour acheter mes légumes, ben, ça me prend tout mon samedi ou ça me prend plusieurs heures du samedi et j'ai pas que ça à faire. Et donc voilà, ça c'est on voit de soi, quoi. Là, l'alimentation n'est pas si importante pour elle. Elle préfère aller en grande surface et acheter tout d'un coup. Tout dont elle a besoin est là, est bien emballé et prêt à être consommé. Mais voilà, après, où va l'argent que cette personne dépense sur l'alimentation? Mais ça va aux grandes compagnies agroalimentaires, ça va à la distribution, ça va pas à l'agriculteur local. Et voilà, quoi. Donc, Ce qu'il y a, c'est que le système, il a tellement été fait d'une manière où les gens doivent plus réfléchir, doivent plus penser, où tout est au même endroit. Enfin, si le monde y fonctionne comme il est pour le moment. C'est parce que les gens trouvent ça plus facile aussi, hein, tu vois, c'est entre le fait de se prendre en main ou le confort. Je pense que la société, là, pour le moment, elle a choisi le confort, quoi. Tu vois, même pour se chauffer, on appuie sur le bouton, c'est chaud, tandis qu'aller s'occuper de son bois, le ranger, voilà, tu vois, je pense que... C'est tout à fait ça, les gens ont moins conscience de ce qu'ils font et ils donnent le pouvoir à d'autres gens. Par exemple, manger bio, maintenant, il y a beaucoup de gens qui mangent bio, mais qui achètent ces produits bio au supermarché. disent ouais, je mange bio, je vais au Colruyt, j'achète tout bio, c'est bien. Ouais, ok, c'est peut-être mieux que d'aller au Colruyt et pas acheter bio, mais c'est pas vraiment bien, quoi. Je veux dire, il faut un peu comprendre. Et justement, les gens, ils aiment ça. Ils voient le label bio, ils se disent, ah, ça veut dire que quelqu'un d'autre a fait la vérification pour moi et qu'ils ont dit, ça, c'est bio. Et alors, eux, ils doivent plus réfléchir. Ils voient bio, ah, c'est bon, alors. Mais ils pensent pas plus loin, quoi. Tandis que c'est bien d'acheter bio, mais c'est aussi bien d'acheter local. Et alors là, il faut parfois faire... Il faut voir, quoi. Parfois, c'est pas possible d'acheter bio et local. Parfois, il y a bio, mais qui est un peu plus loin. Parfois, il y a local, mais qui n'est pas bio. Et là, après, il faut juste réfléchir. Réfléchir vraiment avec de l'intelligence, pas avec ce que le marché veut qu'on réfléchisse ou la société. Mais vraiment réfléchir, ouais, avec se dire, ben voilà, moi je mange ça parce que ça. C'est tout. C'est si simple, quoi. Après, à un moment, c'est si simple. Mais ce qu'il y a, oui, après on va un peu boucler l'idée, mais je veux dire, tu as une expérience, c'est génial, parce qu'en plus tu viens pas d'un milieu paysan ou d'agriculteur, donc tu viens vraiment de la banque, là, t'es pas né dedans évidemment, mais ben voilà, t'as un parcours génial. Mais bon, ça c'est ton parcours, c'est ton histoire, et puis on pourrait dire aussi que manger... Ben, ça a une influence après tout de suite directement, mais il y a peu de gens qui s'en rendent compte. Ça a une influence tout de suite sur ton corps et sur ta tête. C'est-à-dire que si tu manges un truc bien chimique, en fait, tu te fous plein de chimie à l'intérieur de toi, mais pas bonne, quoi. Et ben voilà, il y a peu de gens qui sentent encore ces effets sur le corps. Donc on peut pas leur en vouloir, parce que s'ils étaient vraiment sensibles, tu vois, s'ils étaient éduqués à ça, si eh ben d'office on se nourrirait autrement. Et puis dire aussi, par exemple, que l'argent que tu vas mettre dans un label bio, eh bien tu dois payer tes deux voitures, tes GSM, tu vois ce que je veux dire. Les gens réfléchissent plus que bah, peut-être que s'ils travailleraient moins, du coup ils auraient plus de temps pour pouvoir faire peut-être un petit potager ou pas, ou faire de la musique, ou aller voir la grand-mère qui est malade, ou qui est pas malade mais qui a simplement envie d'une visite. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment sur quoi on met la valeur, sur quoi on met la valeur dans cette vie-ci. Et beaucoup de gens n'ont jamais réfléchi à ça. Ils vivent comme ils ont appris à le vivre par rapport à leur famille, à l'école, à la société. Et ils n'ont jamais réfléchi. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ma vie est logique? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui ne sont pas contents et tout. Ils ne savent pas pourquoi. Ça commence à bouger quand même. Hein. On entend quand même, ouais, que la crise est là, que les gens commencent vraiment à devenir fous. Tu vois? Ouais, mais ça va devenir de plus en plus fou, je crois, pour un moment. Et puis après, il y aura un genre de révolution. Et il y aura une instabilité pendant un long moment. Mais après, il y a un nouveau monde qui va naître. Ça, j'en suis convaincue. Absolument. Allez, génial. Tu crois à ça, vraiment? À une révolution et à un nouveau monde plus juste? Tout à fait, mais peut-être pas tout de suite. Et je veux dire, il y aura un long moment d'instabilité. Il y aura... Par exemple, on voit, il y a toutes les initiatives qui se développent. Il y a les SEL, les LETS ici en Flandre, il y a les Repair Café, il y a le Woofing, il y a les GAZAP, il y a les jardins communautaires, jardins participatifs, il y a les jardins sur les toits, Bruxelles. Il y a plein d'initiatives qui se développent ici et là, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et les gens se rendent compte que le futur, c'est ça, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est le respect, la confiance, c'est les valeurs qui ont toujours été là, mais qui ont été un peu mises à côté dans ce système marchand. Et maintenant, ces valeurs, ils ressurgissent et ils vont prendre de plus en plus de l'ampleur. Et moi, je pense, moi, j'ai confiance en ça, mais tout à fait, quoi. Oui, oui. Bah écoute, c'est super de penser comme ça. Moi, je suis pas si sûre. C'est sûr que il y a la solidarité, le partage et toutes ces valeurs qui sont là. Mais tu sais pas qui va gagner. Est-ce que la Terre, elle va pas en avoir marre aussi, tu vois? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des catastrophes climatique, parce que on maltraite la Terre et qu'à un moment donné elle en a marre et du coup elle réagit, j'en sais rien, tu vois, je sais pas du tout. La Terre, elle réagit, c'est sûr, mais la Terre nous apprend beaucoup. on doit l'écouter. Et les gens vont de plus en plus l'écouter ou vont être obligés de l'écouter et de changer leur manière de vivre. Et aussi, bon, il y a les ressources de la Terre qui diminuent de plus en plus. Donc les ressources sur lesquelles beaucoup de notre monde matérialiste et superficiel est construit sur le pétrole, sur l'huile, ben, ces matières-là, ils disparaissent. Et donc, on est obligé de un peu réfléchir à un autre avenir plus durable. Tout à fait. Mais je pense, oui, il y aura un grand moment d'instabilité, c'est sûr. Et maintenant, on voit toutes ces initiatives-là, ils sont encore un peu marginales, quoi. Et souvent, les politiques ou les gens... oui, les gens qui sont dans le conventionnel, ils voient ça pas d'une bonne manière. Ils disent, ouais, mais si on fait ça, alors on prend la place d'une personne qui travaille, par exemple. Là, je ne suis pas bien ce que tu as dit. Si on fait de l'entraide, alors au lieu de payer quelqu'un pour réparer mon vélo, ben, je vais demander à un ami de le faire ou demander à quelqu'un du sel qu'il le fait pour moi. Donc, je ne paye pas des impôts sur ça. Il y a l'État qui perd, quoi. Et donc l'État commence à regarder un peu toutes ces initiatives et je crois qu'il y a, pour le moment, et de plus en plus, il va essayer de contrôler toutes ces initiatives. Et donc ça va devenir plus difficile pendant un moment, je pense. Et ils vont faire des lois ou ils vont faire des... Je ne sais pas, il y aura des trucs. Hein. Mais à un moment, les gens vont en avoir marre et à un moment, ce mouvement-là ne va plus être marginal. De plus en plus de gens vont se rendre compte que ça, c'est l'avenir. Et alors là, c'est ça que je dis, la révolution va venir des gens qui vont se rendre compte que c'est plus possible de vivre dans un monde marchand où tout est contrôlé, où on n'a quasiment plus de liberté civile. Et voilà, c'est de là que va renaître le nouveau monde. Mais il y aura un grand moment d'instabilité. Il faut s'y attendre. Je crois qu'on est déjà un peu dedans, hein, dans la stabilité. Oui, là, on est dedans. Les gens parlent de la crise, mais la crise... Moi, je travaille à la banque. J'ai travaillé à la banque, dont la crise, elle est arrivée en 2008. Et on est 2014, on parle toujours de la crise. Bah, alors, je me dis, bah, voilà, on doit peut-être se dire que le reste, ce sera la crise, quoi. Et qu'après, il y aura autre chose. Mais voilà, la crise, c'est... Ouais, ça me fait un peu rigoler, ce moment-là, en fait, hein. Mais donc le Woofing Belgium, oui, Woofing Belgium, moi j'avais eu l'info via la petite revue Bioinfo. Mm-hmm. Et ce que j'ai compris en lisant le petit résumé de cette revue, c'est que, en gros, quand tu voulais faire du woofing en Belgique, c'était développé en Flandre et pas du tout en Wallonie. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Ça veut dire que maintenant, vous allez plus développer le woofing aussi en Wallonie? C'est pas tout à fait juste, c'est qu'avant, il y avait du woofing en Belgique, en Flandre et en Wallonie, dans les deux parties de la région, en partie germanophone aussi. Donc. Mais le woofing, il n'y avait pas d'organisation nationale Woof Belgique. Donc le woofing en Belgique était géré par l'Angleterre encore. Donc l'Angleterre gérait le woofing dans tous les pays où le woofing existait, mais il n'y avait pas de système national pour le gérer. Et donc nous, on était gérés par l'Angleterre. Et alors l'Angleterre, ils ont vu qu'il y avait de plus en plus d'intérêt en Belgique pour ça. Et c'est là qu'ils ont envoyé cet email, ils ont envoyé un appel à tout le monde, disant est-ce qu'il y a un intérêt pour créer cette organisation. Et donc nous, on a décidé de créer l'organisation. Et justement pour que le woofing en Belgique soit géré par la Belgique. Donc que ça redevienne du local, que c'est géré par les gens qui habitent ici, qui connaissent les réseaux, qui connaissent les autres. Donc moi, tout l'été, j'ai passé le temps à visiter les autres, quoi. Donc je connais personnellement une grande partie des autres. Et donc on a pu discuter de notre projet, de voir ce qu'eux, ils attendent du woofing et de nous. Et donc c'est ça la valeur, c'est que maintenant c'est géré par des Belges, par des gens qui ont de l'expérience. Ouais. Du woofing, qui ont de l'expérience du woofing en Belgique aussi. Et donc, on essaye petit à petit maintenant de promouvoir ça, quoi, de différentes manières. Ouais. Et donc, c'est une fausse idée que j'ai de développer plus ça, parce que par exemple, des gens cherchaient à faire du woofing sur l'Internet et ils étaient plus dirigés vers le côté flamand de la Belgique. Et en Wallonie, il n'y avait pas grand-chose. Je ne crois pas qu'il y avait cette division Flandre-Wallonie. C'est vrai qu'on a plus d'hôtes en Flandre, Mais il n'y a pas une énorme différence entre Flandre et Wallonie, quoi. Il y en a quelques-uns en plus côté flamand, mais c'est tout. Mm. Il y a aussi un autre germanophone, il ne faut jamais oublier cette région. Ouais. Mais oui, mais on essaye de le développer dans tout le pays, quoi. Sans préférence pour une région ou l'autre. Et ouais, ça marche plutôt bien pour l'instant. On a 35 différents hôtes pour l'instant, tous avec des projets très différents, avec des passés différents, des présents tout aussi passionnants un que les autres. Et on a vraiment beaucoup de diversité dans l'offre des hôtes qu'on a. Et il y a beaucoup de gens, donc des particuliers, comme ici où moi je suis, où il n'y a pas du tout un aspect commercial, où c'est vraiment avoir un potager par philosophie de vie, quoi. Et alors, il y en a d'autres. Par exemple, il y a une chèvrerie, il y a une bergerie, il y a une autre ferme laitière vache. Et ça, c'est commercial, quoi. Mais c'est toujours à petite échelle et très familial. Donc, c'est des paysans, c'est familial, quoi. Ouais. Et tiens, qu'est-ce que les gens qui proposent de faire du woofing souhaitent le plus, par exemple, qu'il y ait des woofs? Qui est des woofers. Woofers, c'est les volontaires. Et les hôtes, c'est les hôtes woofs. Donc, la question, c'est que quand souhaitent les woofers ou que souhaitent les hôtes? Les autres. Les hôtes. Ceux qui accueillent, quoi. Ceux qui accueillent, ok. Donc, où je suis maintenant, elle veut que je construise son labyrinthe pour elle. Donc, voilà. Sinon, voilà, je t'ai montré un peu, il y avait tout ce bois ramassé. Il y a tout ce bois qui doit être coupé maintenant. Donc ça, c'est du bois pour faire le feu après. Il y a aussi plein de tâches. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans le potager. On a déjà tout fait ces derniers mois. Il y a la serre, il y a un petit peu de travail là. On commence à semer. Ah ouais? On a semé du pourpier la semaine passée. Des épinards il y a quelques semaines. Il y a la mâche qu'on peut encore semer. Mmh. Et bientôt, il y aura plein de choses à semer. Hein. Et il y aura à faire les semis à l'intérieur, quoi. Et donc voilà, la plupart des hôtes demandent de l'aide dans leur potager, que ce soit un potager purement familial ou commercial. Aussi, il y a beaucoup d'hôtes qui ont des animaux. Donc aider avec la traite des animaux, avec la transformation après en fromage, nettoyer les abris des animaux, par exemple. Et puis, un autre domaine, c'est l'éco-construction. Donc, des hôtes qui ont un projet en éco-construction pour leur habitat ou pour un abri pour des animaux, par exemple. Et donc, travailler avec des produits écologiques. Et donc, ça, c'est une autre activité. Ouais. Voilà. Donc, c'est très diversifié, quoi. Il y a beaucoup. Et à toute saison, il y a beaucoup de choses parce que... Hier, on m'a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose pour les woofers qui souhaitent faire du woofing en Belgique? Est-ce qu'ils ne doivent pas quitter la Belgique pour le moment? Je dis, non, pas du tout. Ils doivent rester en Belgique. Il y a du bois à couper, il y a des arbres à planter, il y a plein de choses, quoi. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, que l'agriculture, c'est non-stop, c'est toute l'année, quoi. C'est pas que pendant le moment où les légumes poussent et il faut les récolter, non, parce que... Avant ça, il faut déjà faire le planning de ce qu'on va... Donc, on a passé, nous, une journée ici à regarder, à faire la comptabilité des semences qu'on avait déjà. Et après, regarder quelles semences est-ce qu'on doit commander pour cette année. Je veux dire, ça prend du temps, ça. Et après, il faudra faire les petits semis à l'intérieur, alors dans la serre, puis les transplanter dans la terre, puis faire le désherbage, tout ça. C'est tout un cycle, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas un moment où on peut dire, là, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas ça. Il y a des moments où il y a plus à faire. L'été, il y a le plus. Et il y a le plus des deux côtés. Donc, il y a le plus de demandes d'aide, parce que c'est le moment où il y a... où les jardins sont vraiment remplis, où il y a beaucoup à faire. Il y a tout qui doit être cueilli, qui doit être préservé pour l'hiver, tout ça. Et c'est aussi le moment de l'année où beaucoup de gens sont disponibles pour donner de l'aide aux agriculteurs. C'est ça qui est bien, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, des woofers qui sont des étudiants, donc ils sont libres pendant l'été. Il y a beaucoup de gens, des travailleurs, qui prennent leurs vacances pendant l'été. Et donc, c'est ça qui est bien, ça correspond, l'offre et la demande correspond à ce moment-là. Mais pour l'instant, il y a aussi des gens qui ouffent en Belgique. Beaucoup? Il y en a quelques-uns, il n'y en a peut-être pas beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas tous les lieux qui acceptent toute l'année non plus, parce qu'il y a certains autres qui aiment bien justement avoir des moments sans volontaire, purement familial aussi, parce que ça devient assez épuisant aussi, qu'on a toujours des nouveaux gens dans sa maison. Mais il y en a, quoi. Il y en a, ouais. Ouais, mais c'est beau ici, hein. C'est beau. En plus, il y a du soleil, le ciel s'est dégagé. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais on est dehors. Non, je vois, ça a l'air vraiment un chouette petit endroit, quoi. Enfin, petit, il n'est pas si petit que ça, quand même, en même temps. Mais il n'est pas non plus le truc immense, hein. C'est entre deux. Ça reste bien, quoi. C'est à peu près un hectare et demi maximum, je pense. Et ouais, non, c'est formidable ici. C'est vraiment, c'est magique. Depuis que je suis arrivée, je vois encore la beauté. Parce que souvent, on s'habitue trop et on ne voit plus la beauté du lieu. Mais moi, je vois ça tous les jours. Et les matins, c'est formidable, en fait. Quand il y a cette fine couche de blanc avec la gelée de la nuit qui couvre tout un tout petit peu. Et après, tu as les premiers rayons du soleil qui pénètrent là. Et c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. Et puis, il y a le soir, quoi, vers 4 heures jusqu'à 5 heures, c'est aussi un moment magnifique. Quand le soleil commence à descendre comme ça de plus en plus vite pour se coucher. Et le ciel qui est super. Et aussi, on se dit, voilà, la journée dehors se termine. Après, c'est à l'intérieur, tout près du feu. Et non, tous les moments sont vraiment beaux. Ouais. Mais écoute, tu es formidable, Laura. Hein, oui, mais c'est marrant parce que quel changement de vie, quoi. Ça te dérange si je te demande ton âge? J'ai 28 ans. 29 ce mois prochain. Ouais, mois prochain. C'est formidable comme ça de changer de vie, hein? Qu'est-ce qui... Ouais, je trouve pas que c'est tellement formidable, en fait. C'est juste. Allez, arrête, sois honnête par rapport à la multitude de gens qui n'oseraient pas le faire ou qui... Allez, arrête. Qui n'osent pas le faire, mais tout le monde a la possibilité de le faire s'ils veulent le faire, s'ils le veulent vraiment. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont frustrés, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quoi faire. Ça, c'est triste. Et moi, je me suis dit, voilà, je suis frustrée, je ne sais pas quoi faire. Et après, j'ai découvert, et je me suis lancée, je n'ai pas hésité, quoi. Comment t'as fait? T'as lâché ton appart? Comment t'as fait J'ai lâché le travail et j'ai lâché l'appart. Mais ça, c'était assez facile. J'habitais chez de la famille, donc c'était facile. Et voilà. Donc maintenant, oui, j'ai pas des choses que beaucoup de gens ont. Donc, j'ai pas un travail. Ça, c'est assez positif. J'ai pas... Quand même, le travail n'est pas forcément rémunéré. Je veux dire, c'est quoi le travail? On devrait le définir aussi, peut-être, tu vois. Mais moi je dis j'ai pas de travail parce que pour moi c'est pas un travail d'être ici, pour moi c'est du plaisir, donc voilà, c'est vraiment je donne un coup de main, je vois pas ça comme du travail. Travail pour moi c'est les contraintes, c'est le contrat, c'est tout ça, c'est l'hiérarchie. S'il y a pas d'hiérarchie, le woofing, il y a pas d'hiérarchie, c'est ça qui est chouette. Et donc voilà, moi je trouve que mon choix c'était logique, mais c'est juste moi, quoi. Après, c'est un choix assez simple au fin de compte et logique. Oui, peut-être, mais c'est pas ça. Je pense que si c'était si simple et si logique, ben, il y aurait une multitude de gens. Mais on en entend parler de plus en plus aussi, hein, des gens qui lâchent leur boulot ou qui prennent une année sabbatique pour vivre, quoi, après tout, pour vivre, quoi, c'est super important. Mais donc, t'es une preuve vivante que c'est possible de le faire, quoi. Ça, je voulais dire, mais quoi, alors tu vis de woofing, quoi, tu vas de ferme en ferme, comme ça, et il n'y a pas d'argent en jeu. Non, justement, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est un échange non financier. Et c'est ça qui donne valeur aussi, parce que l'aide n'a pas de valeur financière. Comment on peut mettre des euros à ça? Et ben voilà, mais je vis mais sans coût aussi, je peux dire. Ici, je n'ai pas à payer toutes les factures que la plupart des gens ont à payer, donc je n'ai pas besoin de tout l'argent que tous les gens ont aussi. C'est très logique quand on réfléchit, hein? C'est très très logique. Oui, mais par exemple, la dame qui tu es, elle paye ses factures. Oui, elle paye ses factures, évidemment. Mais. C'est très logique. C'est très logique qu'elle les paye, pas moi, oui. C'est très logique. Non, mais je veux dire, moi, je suis ici, c'est son lieu. Moi, je ne suis pas chez moi ici, c'est son lieu. Donc, moi, je suis ici comme une invitée, quoi. Un woofer, c'est un ami, c'est un invité, c'est... Et, Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que c'est génial, parce que je trouve, si on arrive à regarder... Je prône la différence, moi. Si on était tous pareils, tous les mêmes, franchement, qu'est-ce que ce serait ennuyant. Donc, ben voilà, il y a des gens qui viennent faire du woofing dans des endroits qui sont très chouettes. Ils ont le gîte, le couvert, ils sont invités. Et puis, tu as des gens qui gèrent ces woofing, cet espace, qui paye les factures. Qui, tu vois ce que je veux dire? Chacun a son poste quelque oui, part, oui. Quoi. Oui, oui. Tout à sa place et chacun... Oui, oui, mais la dame avec qui je reste ici, donc Judith, on peut dire son nom, la dame, ça fait bizarre. Et donc, elle est à la retraite, donc elle a eu une carrière toute sa vie et en même temps, elle a développé une conscience très profonde sur l'écologie et sur l'autarcie alimentaire et tout ça, donc... et maintenant qu'elle est à la retraite, elle développe ça de plus en plus. Donc, elle a le temps maintenant de se consacrer à un grand jardin en permaculture, à faire d'autres projets, par exemple ici, le labyrinthe qu'on construit pour l'instant, et il y a aussi d'autres projets, quoi. Et, mais voilà, c'est des projets qui demandent du temps. Et une personne toute seule, c'est difficile. Et aussi, ben voilà, elle est à un moment de son âge, ou elle a un moment de sa vie, je veux dire, où elle a beaucoup de temps. Mais aussi, tu ne veux pas faire ça tout le temps, toute la journée, et tout seul. Et il y a aussi du travail qui est un peu plus lourd, où c'est chouette d'être à deux. Et donc, elle, ça l'arrange très bien qu'il y a quelqu'un ici, quoi. Et moi, ça m'arrange à merveille aussi. Et aussi, on peut développer des projets ensemble. Par exemple, moi, je suis venue ici avec des idées à moi. Par exemple, j'aimerais bien avoir une chèvre laitière. Et donc, la chèvre laitière va venir ici le mois prochain. Et ça, c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment super. Et donc maintenant, comme je suis ici à long terme, je peux faire ça, je peux faire les projets. Parce qu'avant, je changeais d'une semaine à l'autre, ou je restais deux semaines ici, une semaine là. Là, tu ne peux pas vraiment faire les projets, quoi. Ton projet, c'est décider où tu vas aller après. Et alors, même maintenant ici, je peux vraiment m'intégrer, je peux un peu m'approprier le jardin aussi, quoi. Me dire, voilà, moi je vois ça comme ça, ou je suggère ça. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. Chouette, chouette. Et encore un petit sujet, mais peut-être qui est un peu plus délicat à aborder. J'imagine qu'il y a des gens qui accueillent les woofers et qui profitent d'eux. Ouais, ouais, j'imagine. Mais là, encore une fois, la valeur du projet Woof Belgique, c'est que c'est un tout petit pays. Et on a 35 hôtes pour l'instant. Et chaque hôte est connu par quelqu'un de l'équipe de Woof Belgique. Donc, connus personnellement, donc, ou en personne, ou qu'ils ont été les visiter en personne, ou qu'ils les connaissent de longue date, ou tout ça. Et donc, il y a beaucoup moins de risques de ça, quoi, qu'ils en profitent. Et vraiment, on voit, quand on discute avec les autres, on voit que c'est les gens qui partagent notre philosophie, parce qu'ils ne sont pas du tout là pour profiter, quoi, vraiment pas. Ils sont là vraiment pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leur lieu, leur vie. Et c'est ça, c'est vraiment un partage, c'est rien à voir avec... Il n'y a ni un ni l'autre qui doit profiter de la situation, ni le woofer ni l'autre, quoi. Et, si ça arrive, c'est vraiment très... C'est vraiment à tout petit échelle en Belgique, je pense, si pas du tout. Pas ah du non, tout, vraiment. Le meilleur des mondes, la Belgique. Ah oui, la petite Belgique. Non, mais c'est vrai, parce qu'on connaît les autres, donc... Je sais que dans d'autres pays où il y a des réseaux énormes, par exemple la France, je ne sais pas, ils ont presque 1000 hôtes, 800 ou 1000 hôtes, quoi. Donc là, il y aura peut-être des petits problèmes de temps en temps. Mais voilà, ici, c'est vraiment comme une petite famille, le woofing en Belgique. Hein. C'est vraiment un tout petit groupe, hein. 35 hôtes, donc on peut les connaître personnellement. Et voilà, moi j'en connais beaucoup moi-même et puis les autres de l'équipe aussi. Et donc, on encourage aussi les woofers de nous dire justement quelles ont été leurs expériences, si c'est positif ou si c'est négatif, ou ben voilà, comment était l'attitude de l'autre ou tout ça. Et aussi, on accueille toujours les remarques des autres aussi, quoi. Ben, je dirais aux gens de libérez-vous, quoi. Libérez-vous et développez une conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans cette vie. Et alors, mettez de la valeur sur quelque chose, et allez-y, quoi. Allez-y à fond dans tout ce que vous faites. Faites tout ce que vous faites avec de la beauté, avec du bonheur. Et voilà, peut-être regardez une fois sur notre site de Woofing, qui est woof.be. C'est quelque chose qui peut aider certains gens peut-être à échapper à une vie qui ne les satisfait pas, comme c'était mon cas. Mais ce serait pas ça pour tout le monde, mais ça peut aider certains gens. Et voilà, après, je souhaite à tout le monde le bonheur. Et une de mes chansons préférées pour l'instant, c'est la balade des gens heureux, quoi. Et voilà, c'est ce que je veux souhaiter aux gens, quoi. C'est magnifique. Merci à toi, Laura. Merci beaucoup, Graziella. Les chiffres du gaspillage alimentaire. Près de 50% d'aliments sains sont gaspillés chaque année au sein de l'Union européenne par les ménages, les supermarchés, les restaurants et les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Et pendant ce temps-là, 79 millions de citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. 79 millions, j'arrive pas vraiment à voir c'est quoi, mais c'est beaucoup. Et 16 millions de personnes, c'est aussi pas mal, dépendent de l'aide alimentaire d'œuvres de charité. Lorsque Xavier Corval était étudiant, l'un de ses jobs consistait à servir les cocktails d'inauguration au pavillon de l'Arsenal, un centre d'exposition à Paris. À la fin, je me retrouvais toujours avec des jambons et des camemberts que je ne voulais pas jeter. La seule solution à l'époque, prendre son scooter et les distribuer directement aux sans-abri. Généreux, mais pas efficace. Il se met alors en tête de trouver une solution plus globale et innovante au problème du gaspillage. Quelques années plus tard, cet entrepreneur technophile crée Ecosphère, une plateforme collaborative en ligne qui simplifie et optimise l'échange des invendus. Son idée est simple. Le recyclage des surplus est un marché comme les autres. Ils font donc l'organiser pour que l'offre et la demande se rencontrent. Mettre en relation de façon intelligente les émetteurs, grandes distributions, fabricants ou encore traiteurs, avec les récepteurs, associations, épiceries solidaires, professionnels du déstockage et du recyclage. Après 2 ans d'études de terrain pour évaluer les besoins des acteurs du secteur, Ecosphère s'associe à un prestataire informatique pour élaborer un outil qui nécessite alors un lourd investissement financier et de nombreuses lignes de code. Si le principe est simple, la plateforme, elle, est très innovante. L'entreprise permet un dialogue intelligent en temps réel entre l'offre et la demande de surplus. Pour le chef de rayon, il suffit de scanner les produits invendus à l'aide de son smartphone pour qu'ils soient automatiquement transformés en offres sur la plateforme. Les récepteurs, quant à eux, renseignent leurs besoins et sont informés des produits disponibles en temps réel. Les algorithmes développés par Ecosphere se chargent ensuite d'orienter les produits vers les acquéreurs pertinents. Ecosphere est en mesure d'analyser des flux qui sont variables au jour le jour. On traite des demandes récurrentes, mais aussi exceptionnelles, souligne Xavier Corval. Votre association a besoin de 10 kg de légumes frais tous les premiers mardis du mois. En quelques clics, la plateforme vous connecte au bon émetteur. Récemment, la FNAC a appelé à la rescousse. Il fallait déstocker 14 000 produits rapidement. On a trouvé une solution en une heure. Tout ça au bénéfice d'une association. Ecosphere est une véritable entreprise sociale. En plus des abonnements pour accéder aux services, la plateforme perçoit une commission sur chaque transaction en fonction de la valeur créée. Le système séduit déjà plusieurs grandes enseignes comme Auchan, Leclerc et Carrefour, avec qui Ecosphere effectue des tests sur plusieurs hypermarchés. Les magasins pilotes revalorisent en moyenne 50% de produits en plus, une solution win-win, gagnante pour les enseignes qui se débarrassent des invendus et économisent frais de destruction et de stockage. Gagnante pour les associations qui accèdent à plus de produits gratuits ou à très bas coût. Parmi les 200 bénéficiaires, on compte déjà les Restos du Cœur, Emmaüs et la Croix-Rouge. En plus de participer à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la revalorisation est économiquement justifiée car elle génère un crédit d'impôt pour les émetteurs. L'enjeu de la solution, c'est sa simplicité et son efficacité, explique Xavier Corval. Nous nous adressons aux contrôleurs de gestion en les aidant à repenser la manière de gérer les déchets dans la chaîne de valeur. Adepte du concept d'économie circulaire, qui limite la consommation et le gaspillage des matières premières, il ne parle d'ailleurs plus de lutte contre le gaspillage, mais bien de revalorisation de gisements. Ecosphere s'attaque à un problème de taille. En France, plus de 400 millions d'euros de produits neufs invendus sont détruits chaque année. Un gâchis qui touche notamment l'industrie et la restauration. Mais la start-up ne s'arrête pas là. Elle veut aussi sensibiliser le grand public à sa cause. En partenariat avec le gouvernement, elle lance Eco, dont une application mobile qui permet aux particuliers de donner du temps et des produits non alimentaires aux associations. Ecosphere démontre que les gisements de valeur créés par le gaspillage existent à tous les niveaux et sont inépuisables. À nous de les transformer en richesse.